Donc on peut peut-être. This is a radio game show now. Yeah, exactly. On redit peut-être vite le numéro de téléphone 078 244 57 54 pour les auditeuristes qui veulent participer. Et si jamais il est indiqué sur le site internet archipel.org. Alors, c'était un son donc de Adrien Chevrier. Voilà. Donc personne n'appelle. Personne n'appelle, mais bon, peut-être qu'il y a encore ce délai de 30 secondes. Ah, quelqu'un ? Ah, quelqu'un appelle. Appelle, oh, waouh, incroyable. Allô, allô ? Oui, j'appelle pour le jeu. Ah bah super, vous êtes à l'antenne. Un scaphandrier. Un scaphandrier. Un scaphandrier. Un plongeur. Il y a quelque chose avec de l'eau, bravo. Mais non, ce n'est pas ça. Okay. Mais c'est pas mal comme proposition. Moi, j'aime bien en tout cas. Et vous pouvez essayer encore okay, autre chose. Merci. Mais en tout cas, vous chauffez. Je vais le réécouter. Ok, merci beaucoup alors. Merci à vous. À plus tard. Ciao, ciao. Thomas Casmet, do you have any idea? Well, it reminded me of scuba diving. Obviously, there's water and there's some kind of pneumatic air involved, mm-hmm. but there are also city sounds. So I would say it's a industrial scuba diver working on a construction site in the city. That's like, well tried. Do I get the fail sound? No? Anyone? Quelqu'un d'autre? Quelqu'une d'autre ici? Bah moi je connais la réponse. Oui, alors il faut pas la dire. Ouais, moi aussi je la connais. Ah bah attends, si tout le monde la connaît. Mais peut-être qu'on peut écouter la réponse par Adrien Chevrier himself. Voilà, je ne sais pas si l'une d'entre vous aura reconnu, mais il s'agit bien entendu du son d'une otarie qui nage et qui respire à intervalles réguliers. C'est un son qui a été enregistré au bois de Vincennes, dans le zoo du bois de Vincennes. Le micro était placé au-dessus de l'aquarium, immense aquarium, grande retenue d'eau, où les animaux aquatiques, à commencer par les otaries, se baladent en liberté. Et après l'avoir observé pendant de longues minutes, cet animal qui ressemble étrangement à un être humain quand il nage, nous l'avons donc enregistré. C'est un crawl, c'est une compétition de crawl dans le lac Léman. C'est une femme qui apprend pour la première fois à respirer une fois sur trois. C'est un enfant qui essaye de rattraper sa mère au loin sur une petite nacelle posée au milieu de la mer. Mais c'est surtout et d'abord une otarie du bois de Vincennes. Ben, merci Adrien Chevrier pour cet élan poétique. Et donc je me dis que si il avait lui-même proposé autant d'autres possibilités, peut-être que inclure le scaphandrier serait aussi... Une bonne façon de donner la victoire à notre seul auditeur qui a appelé. Oui, bien sûr. Un repas et une entrée pour le concert de ce soir. Donc, vous, l'auditeur qui nous avait appelé, si vous nous écoutez toujours, venez ce soir et une place et un repas vous attendent à l'accueil.